vaste ville des Ardennes. Alors, les Desperate Housewives, pleines de pognon, ok, génial. Seulement, elles sont pas pop culture, hein, ces bonnes femmes-là. Hein. Moi, je pose la question, est-ce que, par hasard, la culture populaire, c'est pas aussi ce qui nous libère de la culture bourgeoise, hein? Parce que au lycée, tout ça, bon, les textes en français, c'était la culture bourgeoise et la culture aristocratique. Super, c'était génial. Mais le problème, c'est la culture populaire, donc elle n'était pas traitée, enfin, en tout cas dans le cadre de l'école. Super content de vous retrouver, même si c'est pas sur l'antenne, en tout cas, c'est du blockbuster, et ça, c'est trop bon. Mais bonjour Blockbuster, c'était pour vous dire que j'étais très déçu de votre dernière saison. Vous nous aviez promis une émission sur Battlestar Galactica, et donc j'attends toujours ça avec impatience. À bientôt de vous revoir sur le podcast. Je veux que Dedo soit là à toutes les émissions. Ah, Blockbuster, j'ai découvert votre émission sur le tard. Et depuis fin août et tout le mois de septembre, je me fais tous les épisodes en rattrapage. J'ai l'impression de faire mes devoirs de vacances avec du retard. On retrouve un petit côté estival, un petit air estival, j'ai l'impression. On l'a, ça y est, notre blockbuster annuel et tout du long. Bon retour alors. Bonjour Fred. Alors, elle est quand l'émission sur Michel Sardou? Ouais, bonjour, c'est Dave Gibbons. Bah, je suis content d'avoir enfin l'émission sur Watchmen d'Alan Moore parce que ça m'intéresse de pouvoir découvrir cette BD que j'ai voulu lire. Mais que j'ai pas pu. Bref, bisous depuis là où je suis. Bonjour, je suis Batman. Bon retour à Blockbuster. To be or not to be, not to be. Ce matin, j'ai lu que le sentiment d'insécurité progressait en France. Alors attention, ça ne veut pas dire que l'insécurité progresse, ça veut juste dire que le sentiment qu'on en a progresse. C'est très important la perception que l'on a des choses. C'est comme quand tu as le sentiment que le sort s'acharne sur toi. Il y a de ces journées, tu reçois ton avis d'imposition précisément le jour où ta chaudière vient de lâcher. Le RER qui devait t'emmener au boulot est supprimé et le téléphone se met à sonner à la seconde même où t'es sous ta douche. Tout ça, ça te donne l'impression que tu es maudit, alors qu'au fond, quand on y réfléchit, c'est se donner beaucoup d'importance. C'est peut-être aussi une simple coïncidence. Combien de fois le téléphone a-t-il sonné alors que tu l'avais à portée de main? Combien de fois ton RER est-il arrivé à l'heure? Combien de fois as-tu englouti ta tartine sans qu'elle tombe du mauvais côté? La réponse est souvent. Mais tu n'y as pas prêté attention, car tout cela s'inscrivait dans un parcours de normalité. Et c'est ça, la normalité n'est pas remarquable. Il en va de même de la société. En temps normal, elle n'est pas remarquable. Les services publics sont là pour pallier à nos besoins primordiaux, tout va pour le mieux, l'infirmier ou l'infirmière soigne, le pompier éteint les feux et le policier fait respecter la loi. Et puis des fois, survient la bavure. C'est rare, c'est singulier, mais ça arrive. Un policier abuse de sa fonction, fait tomber un manifestant à l'eau, crève un œil et tout vacille. C'est très loin d'être une habitude, c'est exceptionnel, mais un sentiment de défiance s'installe. Car c'est venu de ce qui est censé nous rassurer. Vient alors cette question qui peut ébranler nos démocraties. Qui surveille nos surveillants? Qui garde nos gardiens? Who watches the watchmen? France Inter. Blockbuster. Jusqu'ici, ça va. Frédéric Sigrist. It all started with the gangs. Tout ça a commencé avec les gangs. You know, people tend to forget that. Tu sais, les gens ont tendance à l'oublier. Pirate outfits. Les costumes de pirates. Ghosts. Les fantômes. They thought it was funny. Ça les amusait. Dress up a poor heist. De se déguiser et de commettre des méfaits. On avait beau les arrêter, ils se retrouvaient dans la rue en un rien de temps. No, but nobody could pick them out of the lineup because of the damn masks. Personne, absolument personne, ne pouvait les identifier à cause de leurs foutus masques. So, c'est là que moi et quelques autres policiers nous sommes dit, c'est quoi le problème? Masquons-nous nous aussi. We'll finish what the law couldn't. Faisons régner l'ordre là où la loi échoue. Pretty soon. Papers get wind of it, they ran with it. En moins de deux, les journaux en ont eu vent. Ils ont fait de nous leur chou gras. A national pastime. Et paf, nous étions soudain devenus un passe-temps national. It was me. Il y avait moi, Dollar Bill, Bill Dollar, Mothman, Mothman, Captain Metropolis, le capitaine Metropolis, Hooded Justice, le juge masqué, Silk Spectre, le spectre soyeux, and the comedian. et le comédien. Oh, don't get me started. Non, surtout ne me demande pas de te parler de lui. Well, my point is... Là où je voulais revenir, eh bien, c'est que nous l'avons eu trop facile. It wasn't fair. What happened to you guys? You guys ce qui vous est arrivé, ce n'est absolument pas juste. Vous qui avez repris là où on avait arrêté, avec Nixon, qui a fait de vous dehors la loi. Nixon, oh, un prick. Nixon, une espèce de salopard. And you think I voted for that prick 5 times? Non, je pense que j'ai voté 5 fois pour cet imbécile. Hey, it was him with the commies, ouais, right? Sauf que c'était lui ou les communistes. Ouais. En 1986, sous l'égide de la maison d'édition DC Comics, maison mère de Superman, Batman et Wonder Woman, le scénariste britannique Alan Moore, le dessinateur Dave Gibbons et le coloriste John Higgins lancent une bande dessinée qui va devenir pour le monde des comics ce que Citizen Kane est devenu pour le cinéma. Une référence incontestée, une œuvre majeure qui a révolutionné à la fois la manière dont on conçoit les super-héros, mais aussi la narration par laquelle on raconte habituellement les aventures de ces personnages chiots en couleur. Politique, polémique, adulte, génial et précurseur, Watchmen est le comics relié le plus vendu chaque année aux États-Unis. Pour parler de cette BD géniale, dans ce premier podcast natif de Blockbuster, j'ai avec moi Marc Duvaux, bonjour. Bonjour. Vous êtes écrivain spécialisé dans la science-fiction et la bande dessinée, et auteur de Comics USA, histoire d'une culture populaire aux éditions Huggin Emmenin. Avec nous également Océane Zerbini, bonjour. Bonjour. Vous êtes fondatrice du podcast The Lemon Adaptation Club, rédactrice pour le site Les Chroniques de Cliffhanger and Company, et spécialiste pop culture. Tout à fait. Avec nous également Corentin, bonjour Corentin. Bonjour Frédéric. Rédacteur pop culture pour le réseau Arts qui réunit les sites Comics Blog, Sci Fantasy et 9ème Art. Oui. Et enfin Douglas Antonio, bonjour. Bonjour Frédéric. Auteur du compte Twitter satirique Poil au ciné, rédacteur pour le blog Les Chroniques de Michaelson et fan d'Alan Moore. Ah, absolument. Et ben voilà. Ensemble, pendant une heure, on va tenter de vous expliquer ce qu'est Watchmen, son histoire, ses personnages, son sous-texte, qu'est-ce que cette BD représente pour le monde des comics et en quoi toute la culture des super-héros modernes, du film Joker à la série The Boys sur Amazon Prime, doit tout à Watchmen. On parlera aussi du Watchmen de Zack Snyder, de cette toute nouvelle série Watchmen produite par HBO, série qui sera diffusée en France sur OCS et qui aura la lourde tâche de tenter de raconter la suite de l'œuvre phare d'Alan Moore. Allez, le premier podcast natif de Blockbuster spécial Watchmen, c'est parti. Dans les années 80, ce que je faisais, c'était de pénétrer un monde où, disons, à part la France, la BD n'était pas respectée de quelque manière que ce soit. Et pourtant, il me semblait qu'il y avait des possibilités dans la BD qui n'avaient jamais été explorées, qui fournirait une façon d'articuler les réalités modernes d'une manière que la littérature et le cinéma avaient échoué à faire. Watchmen était un outil pour ces idées-là. Et ça m'a permis de mettre en avant toutes les capacités de la BD, les niveaux de narration, les niveaux de sens. C'était ce que j'avais l'intention de faire. On vient d'écouter un extrait de l'entretien qu'a eu Alan Moore avec Augustin Trapenard dans l'émission Boomerang diffusée le 30 août 2017. Donc on va parler de Watchmen, mais la première question, et là j'ai envie de me tourner vers Marc Duvaux, qu'est-ce que représente Watchmen dans la bande dessinée américaine ? Bah, Watchmen, on a dit que c'était un changement fondamental dans la bande dessinée américaine, dans les comics. Bon, c'était en 85, 86. On peut se dire aussi que le Batman Dark Knight de Frank Miller a réalisé le même changement, même si ça a eu probablement... Ça a été une année incroyable. Moins de succès que Watchmen. Peut-être parce que Watchmen ne concernait pas les héros traditionnels et connus, était mieux accepté chez les libraires. Bon, ils en ont vendu quand même 2 millions d'exemplaires. Pas rien. Bon, Frank Miller, on en a vendu moins, mais Frank Miller et Batman Dark Knight a eu autant de suites derrière que Watchmen. Et à quoi ressemblait le paysage super-héroïque à l'époque ? Est-ce qu'on était plutôt déjà dans la déconstruction du mythe du super-héros ou est-ce qu'on était encore dans quelque chose d'assez coloré, d'assez festif ? On était un peu dans, je dirais pas déconstruction, on était un peu quand même dans les héros qui noircissaient au fil du temps. Bon, si on prend Batman, ça date de Neil Adams et de Neil O'Neill, avec une évolution et avec un personnage beaucoup plus sombre qui est resté jusqu'à aujourd'hui. Et Corentin, comment on explique cette évolution de thème, de style, par rapport à ces super-héros ? En général ? particulièrement dans les années 80. Bah, dans les années 80, c'est vrai que les comics ont toujours été plus ou moins le reflet de leur société. Après, pendant quelques décennies, on va dire, on a eu le Silver Age, qui était une époque où on a imposé une charte en fait de censure aux comics pour leur interdire de parler de sujets de société notamment, mais aussi de sexe, de culture ethnique, etc. Et on a dynamité ça justement, notamment grâce à Stan Lee, mais aussi Denny O'Neill et le Green Lantern. Et à l'époque justement, on sort du Bronze Age, une époque où justement on peut parler de société, on peut parler de la mort dans les comics. Et on a des œuvres beaucoup plus politiques qui arrivent petit à petit, mais aussi grâce aux Anglais, justement Alan Moore, peu de temps avant ça, commence à lancer la déconstruction avec deux œuvres qui sont Marvel Man d'un côté chez Marvel UK et Swamp Thing, où en fait il va prendre des personnages qui sont déjà établis, revenir à leur origine et en fait nous dire que tout ce qu'on croyait savoir sur eux depuis le début était un mensonge. Et ça va commencer à instiller une sorte d'envie de reprendre toute cette histoire un peu naïve et un peu enfantine des comics pour la traiter sous un angle plus réaliste, plus politique, plus satiriste. Et Watchmen et Dark Knight Returns vont en fait parler de ça. Alors là, on va essayer de réaliser quelque chose d'extrêmement compliqué, et je me tourne vers Océane pour ça. Ouais, merci. Est-ce qu'on peut résumer, comment résumer Watchmen ? De quoi ça parle ? Watchmen, c'est l'histoire d'un comédien qui meurt, qui faisait partie d'un groupe de vigilantes qui s'appelait les Watchmen, donc les gardiens en français. Et ses anciens collègues. Le comédien, c'est son nom de super-héros, voilà, parce que là, les gens, connaissent pas sont en train de dire qu'il y a un comédien qui est mort. Donc, Eddie Blake, qui était donc sous son nom de vigilanté, le comédien est mort. Et ses anciens camarades des Watchmen vont enquêter sur sa mort et découvrir une conspiration qui menace un monde qui est au bord de la Troisième Guerre mondiale. C'est-à-dire que l'horloge de l'apocalypse est fixée à minuit moins 5. Et donc le monde entier vit dans la menace permanente qu'une nouvelle guerre explose sous la présidence de Nixon, qui a été réélu pour la troisième fois. Oui, parce qu'il faut préciser que Watchmen, c'est une uchronie. C'est-à-dire qu'on part du principe que les super-héros existent dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, et que du coup l'histoire des États-Unis est réécrite en fonction, notamment l'apparition en 1960 d'un personnage au pouvoir absolument fantastique, le docteur Manhattan, a complètement changé le rapport de force, et les États-Unis ont gagné la guerre du Vietnam. Douglas. Oui, tout à fait. En fait, le projet de Watchmen, dans l'esprit d'Alan Moore, c'est de faire une sorte d'amalgame entre tous les archétypes qui, à l'époque, florissaient dans tous les comic books de super-héros. Donc on a effectivement le surhomme au pouvoir surnaturel extraordinaire. On a le vigilante un peu plus sombre qui prend la justice pour lui-même, qui est incarné par le comédien. On a aussi la pin-up, puisqu'à l'époque, l'image de la femme dans les comics de super-héros était celle de la femme objet, sexualisée à fond. Et Alan Moore, ce qu'il va venir faire, c'est de se dire, j'ai envie de proposer une vision de ces personnages qui est propulsée dans les enjeux sociaux de notre époque, de notre monde, mais surtout qui les exacerbe. C'est une sorte de loupe vers les idéologies qui portent chaque personnage, et c'est proposer une vision politique du surhomme. Si du jour au lendemain on a un être surnaturel au pouvoir quasi divin, qu'est-ce que ça veut dire sur notre monde ? Comment les politiques vont réagir, comment la société va réagir, est-ce qu'on va aller vers plus d'autorité, ou au contraire on va se sentir plus protégé, donc moins sur nos gardes. C'est toutes ces questions-là qu'il va venir convoquer. Marc Duvaux, est-ce qu'on peut considérer que Watchmen est une œuvre politique ? On peut considérer que c'est une œuvre politique. Bon, moi j'ai plutôt l'impression que cette œuvre et ce politique s'est construit au fil du temps et à mesure. Bon, à l'origine, quand Moore a proposé à DC de faire une bande avec un certain nombre de héros, c'était plutôt un regard sur le passé, puisqu'il voulait reprendre des héros de Charlton Comics, qui était un éditeur important mais assez marginal, hein, payant peu ses auteurs, qui avait surtout une bonne imprimerie. Et il a voulu reprendre ses personnages. Ces personnages venaient d'être achetés par DC avec Charlton. Et donc DC a dit non parce que, étant donné que ce que vous allez en faire, ça va les tuer complètement. Donc il a inventé de nouveaux personnages, mais en restant quand même dans cette continuité, puisque Rorschach, c'est The Question de Steve Ditko, il y a Blue Beetle, il y a plein de personnages qui sont des retranscriptions de personnages de Steve Ditko et de Charlton. Donc, et quand on regarde les discours qu'a pu tenir Alan Moore au fur et à mesure, qui sont assez différents de ceux de Gibbons d'ailleurs, puisque Gibbons dit c'était une fantaisie, c'était pour le fan, etc., ou presque. Et Moore, au fur et à mesure, a construit un discours en disant « c'était très politique, j'ai voulu faire telle chose, etc. » Ce qu'on peut se dire, c'est que cette déconstruction des héros, on en a tiré la conclusion aussi que c'était la fin des super-héros. On est un certain nombre de décennies après et les super-héros sont toujours là. Ils sont peut-être un peu différents, mais cette évolution a commencé effectivement avec Neil Adams, Denis O'Neill, Kirby chez DC, etc. D'accord. Et alors, quant à Alan Moore, on dit Gibbons ou Gibbons ? Bon, moi je dis Gibbons. Gibbons aussi. Ouais, moi je dis. Des fois je dirais Gibbons, des fois Gibbons pour verser avec ces personnes. C'est comme ça. Rorschach. Oui, moi je dis Rorschach, mais. Moi je dis Rorschach. Oui, voilà. Bah, sur les réseaux sociaux, donnez vos versions. Chacun fait comme il peut. Et alors parlons de. On va parler des personnages après une petite pause musicale parce que je tenais quand même à entendre une chanson. Je voulais écouter Jimi Hendrix. Along the Watchtower, qu'on retrouve sur la bande originale du film Watchmen de Zack Snyder, eh ben, on va l'écouter tout de suite. Cette émission est réalisée par Céline Hila. Clara Marlio a préparé cette émission et à la technique aujourd'hui, Tiffany Battistel, Godéric Grosby-Vermeil et Julien Dumont. There must be some kind of way out of here. Say the Joker to the thief. There's too much confusion. I can't get no relief. Businessman there, drink my wine. Plowman, dig my earth. None will level on the mine. Nobody of it is worth. C'était Jimi Hendrix dans Blockbuster sur France Inter. Rorschach's Journal, journal de Rorschach, October 12th, 1985, 12 octobre 1985. Dog carcass in alley this morning. Ce matin, carcasse de chien dans une ruelle. Tire tread on burst stomach. Trace de pneus sur son ventre éclaté. The city's afraid of me. Cette ville me craint. I've seen its true face. J'ai vu son vrai visage. The streets are extended gutters. Les rues sont des caniveaux géants. The gutters et les caniveaux sont pleins de sang. When the drains finally scab over. Et quand enfin les égouts refouleront. All the vermin will drown. Toute la vermine sera noyée. The accumulated filth of all their sins. Ils s'enfonceront jusqu'à la taille dans la fange de leurs débauches et de leurs meurtres. And all the whores and politicians will look up. Et c'est alors que putes et politiciens lèveront la tête en hurlant. Save us. Sauvez-nous. And I'll whisper. Et dans un murmure, je répondrai. No. Non. Nous sommes toujours avec Océane Zerbini, Marc Duvaux, Corentin et Douglas Antonio pour évoquer Watchmen, dont on vient d'entendre un extrait du film de Zack Snyder avec l'intense et terrible Rorschach. Voilà, donc je rappelle que vous pouvez, via notre répondeur, nous laisser un message au 01 56 40 30 20 sur le sujet du jour, c'est-à-dire Watchmen. Justement, on vient d'écouter Rorschach, j'aimerais qu'on parle un petit peu de cette galerie de personnages, de super-héros totalement névrosés. Et commençons par celui qui est le plus emblématique de cette bande dessinée, Rorschach. Qui est Rorschach ? Qui veut se lancer ? Corentin ? Oui, Rorschach, effectivement, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est une relecture du personnage de The Question, qui au départ est donc un justicier détective, avec un visage très blanc, mat, on ne voit pas les traits. Et Dave Gibbons l'a réinventé, du coup, avec cette espèce justement de tache d'encre en mouvement perpétuel, d'où le nom Rorschach par rapport au test de Rorschach. C'est un justicier qui du coup va récupérer une partie des convictions de son créateur Steve Ditko, donc l'objectivisme, on va dire la croyance selon laquelle quand un criminel a commis un crime, quel qu'il soit, il a accepté son destin et donc est passible de mort expéditive et très violente. Partant de là, effectivement, le personnage évolue. Il a pas commencé comme ça. D'ailleurs, dans Watchmen, au début, il était beaucoup trop doux. Tout à fait. Et d'ailleurs, en fait, on pourrait même dire que c'est plus une relecture de Mr. A, un autre personnage de Ditko, qui est déjà une suivie de The Question. Dans le comics, il s'appelle Walter Kovacs. C'est le fils d'une prostituée qui n'a pas connu son père et qui est rentré très vite, en fait, dans la violence depuis qu'il est tout petit. C'est fait cette espèce d'identité de justicier à la Punisher, on va dire, qui traque les criminels et qui, d'un coup, en fait, un jour, en découvrant un acte pédophile particulièrement violent, décide de renoncer à son identité civile et de devenir juste Rorschach, le tueur au masque, au point de devenir complètement schizophrène, de croire que son masque est son vrai visage, et de prendre un comportement nihiliste à la marge, beaucoup plus violent et beaucoup plus radicalisé, en un sens presque plus d'extrême droite, en fait, que ses compars super-héros. C'est d'ailleurs assez intéressant de voir que ce personnage, qui a été repris par énormément de fans, comme étant, entre guillemets, le héros de cette série, et a un discours qui est vraiment réactionnaire, xénophobe, homophobe. C'est Éric Zemmour avec des muscles. Hein. Oui, il a pas vraiment de muscles, Walter Kovacs. Justement, quand on découvre son visage, c'est un gringalet roux. Mais il est nerveux. Qui est pas très beau. Ça serait un peu un incel aujourd'hui, mine de rien, qui veut venger le crime et qui compense ses frustrations avec son masque qui décide de venger lui-même ce que la société n'est pas capable de faire selon lui. C'est ça qui est intéressant. Et Marc Duvaux, est-ce qu'on a dans la bande dessinée américaine une résurgence comme ça de personnages très conservateurs, très réactionnaires comme Rorschach? Ou est-ce que c'est un petit peu un phénomène isolé? Non, c'est assez isolé. Bon, Steve Ditko avait une personnalité assez forte et particulière. Il était un peu hors du milieu, même s'il a beaucoup travaillé pour Marvel et pour DC. Bon, ça, la fin de sa carrière a été hors du milieu. Bon, un peu comme Wallace Wood, qui a fait à peu près les mêmes choses, qui n'avait pas des affirmations aussi fortes que Ditko, mais qui avait aussi son propre chemin. Bon, donc, c'est le fait de personnalités fortes et un peu marginales dans la bande dessinée américaine. Et donc c'est à ça que Alan Moore a voulu rendre hommage en créant le personnage de Rorschach ? Oui, je pense qu'à l'origine, c'était vraiment, au début de l'histoire, un hommage à Charlton. Et entre autres, bon, Ditko a impacté Charlton énormément. Donc, c'est un hommage à Ditko, c'est un hommage à Charlton. Et c'est un des personnages principaux de Watchmen, bon, qui finit mal. C'est sûr, mais qui est pas vu comme le vilain de l'histoire. Non. Le vilain, non, c'est non. plutôt Ozymandias. Mais d'ailleurs, bon. c'est une question intéressante. Est-ce que il y a véritablement un vilain dans Watchmen? Et est-ce qu'au final, le vilain, je pense que suivant les époques, ça peut changer. En relisant aujourd'hui, on pourrait dire que le vilain, c'est Nixon. Oui, tout à fait. En fait, le Douglas. Je pense que ce que Alan Moore a voulu faire aussi avec ce panel de personnages très différents et qui ont des sensibilités politiques, sociales différentes et des origines sociales et politiques différentes, c'est de un peu à la manière d'un test de Rorschach, de proposer au lecteur quelque chose sur lequel chacun va projeter sa sensibilité personnelle et va se retrouver de façon différente dans différents personnages. Corentin parlait du fait que Rorschach est un personnage qui lui-même s'auto-situe à la marge. Je pense que c'est aussi ce qui est séduisant dans ce personnage, de la même façon que le Joker de Nolan a été séduisant à son époque, ou Tyler Durden dans Fight Club. C'est le fait de se projeter dans quelqu'un qui assume, ou en tout cas s'auto-fantasme en personnage à la marge, et de cette manière-là, trouve une sorte d'individualité qu'il n'a pas dans une collectivité ou une société qui nous uniformise. Ce qui est très intéressant, c'est que c'est un personnage qui ne pense pas avoir le moindre problème mental. Oui. C'est-à-dire qu'il imagine que les autres se laissent dériver, mais que lui est totalement sain d'esprit et qui fait les choses comme elles doivent être faites. Mais ce qui est aussi intéressant par rapport à ce que disait Douglas, effectivement, c'est que même dans ces personnages les plus justement opposés à ses idéaux politiques personnels, puisque Alan Moore n'est pas d'extrême droite, il garde quand même une sorte d'authenticité d'auteur, c'est-à-dire que Rorschach est un personnage sans compromission, à aucun moment. C'est-à-dire que c'est sa grande réplique, c'est jamais de compromis, même devant l'apocalypse. Et il lutte pour la vérité, en un sens, pas forcément pour le respect de ses congénères, hein, mais dans tous les personnages de Watchmen, à part peut-être le hibou, qui serait le plus plat et le plus insipide, il y a toujours en fait quelque chose de puissamment engagé, même chez le spectre soyeux, en un sens. Et c'est ça en fait qui fait aussi que c'est une œuvre complète, c'est qu'on a un auteur qui se projette dans tous ses personnages. Tu posais la question, y a-t-il un méchant? Moi j'ai envie de dire que à la limite le méchant serait plus le Dr Manhattan, puisque c'est sa présence et la présence de Dieu et d'un surhomme qui contredit l'ordre naturel des choses et qui pousse l'humanité à s'inquiéter, à avoir peur de Dieu et du coup à envisager plus vite la destruction nucléaire. Et justement parlons de ce personnage Dr Manhattan, Océane. Effectivement, donc le Dr Manhattan, Jonathan Osterman de son petit nom civil, qui se retrouve dans cette condition de Dieu, d'être surnaturel au-delà de tout ce que l'univers pouvait imaginer à cause d'un accident nucléaire. Et donc effectivement, il pose la question, qu'est-ce qui se passe si Dieu se pointait un jour à ton bureau? Qu'est-ce qui se passe? Comment on réagit? Est-ce qu'il serait capable de nous tuer? Est-ce qu'il serait capable de nous protéger? Et donc tout l'aspect du personnage, c'est à la fois d'être l'objet de doutes et en même temps de servir de, pas forcément d'armes, mais d'alliés pour les États-Unis, puisque c'est grâce à lui que le Vietnam a été perdu par les États-Unis. Enfin, que les États-Unis ont gagné au Vietnam. La guerre du Vietnam. In my opinion, the existence of life is a highly overrated phenomenon. Just look around you. Mars gets along perfectly well without so much as a microorganism. Here it's a constantly changing topographical map, flowing and shifting around the pole in ripples 10,000 years wide. So tell me, how would all of this be greatly improved by an oil pipeline, by a shopping mall? Le personnage de Dr Manhattan, qui a pour particularité au fur et à mesure que Watchmen avance, progresse, de se détacher apparemment complètement de l'humanité et qui s'exile sur Mars, planète rouge, donc en pleine période de guerre froide, évidemment le lien est vite fait, et qui pense en fait que la vie finalement se suffit à elle-même, il n'y a même pas besoin d'avoir l'humanité dessus, qu'une planète dans l'univers c'est suffisant. Il y a cet aspect détaché aussi du surhomme qui est très très fort chez lui, mais il est en couple avec Six Spectre. Il est en couple avec une jeune fille de 16 ans. Et moi, à l'époque, ça m'avait un peu interpellée de voir que Dieu sortait avec une jeune fille de 16 ans, après avoir passé 10 ans en couple avec une de ses collègues qui, justement, il la voit vieillir. Et du coup, il se dit, mais à quoi ça sert que je reste avec elle alors qu'elle va vieillir et que je peux trouver plus jeune? Je trouve que, justement, c'est peut-être une lecture un peu inattendue, mais je trouve que Alan Moore interroge avec le Dr Manhattan le fait que les hommes vont tout le temps vouloir trouver plus jeune à chaque fois, tout le temps de la nouveauté. Parce que Dr. Manhattan voit le passé, le présent, le futur. Tout s'entremêle pour lui, il ne fait aucune différence. Et c'est ça aussi qui explique son détachement, c'est qu'il voit comment les gens vont terminer et se dit à quoi ça sert de s'investir. C'est justement, on voit comment ça va se terminer. Ça d'autant plus intéressant que c'est à la fois à l'échelle de l'humanité, mais aussi à l'échelle de son couple, finalement, que le délitement de l'humanité en lui se fait. Et Marc Duvaux, on est en train de parler et d'évoquer les personnages féminins de Watchmen. Est-ce que dans les années 80, les super-héroïnes, ou même les personnages féminins de manière générale, étaient bien traités ou bien représentés? Ça a commencé dans les années 80. Bon, il y avait eu l'importance des femmes, des héroïnes. L'importance des femmes et des héroïnes était surtout au moment de la guerre, quand les dessinateurs et les scénaristes sont partis à la guerre. Et elle les avait remplacées, donc il y a eu un phénomène important à ce moment-là. Et ensuite, malheureusement, ça a disparu. C'est que récemment qu'on trouve beaucoup, beaucoup de femmes dans les comics américains. Et les héroïnes, c'est à peu près pareil. Ça a commencé quand même dans les années 80. Il y a eu un personnage qui s'appelait Dazzler, bon, qui a d'ailleurs été très innovateur, puisque ça a été vendu non dans les kiosques ou dans les réseaux de distribution, mais... Qui est une mutante qui appartient au groupe de super-héros, ouais. X-Men. Qui a appartenu, après. Elle les a rejoints ensuite. Mais qui a été un phénomène commercial, puisqu'ils ont vendu quelques centaines de milliers d'exemplaires dans les librairies. Donc ça a été très important. Bon, on a toujours eu Wonder Woman, qui a été un personnage constant durant toute l'histoire des comics. On a eu d'autres personnages qui sont apparus, mais le phénomène est quand même, moi je dirais, plus dans les années 90 et 2000. Océane Zerbini, en tant que jeune fille, est-ce que vous avez trouvé votre compte en lisant Watchmen? Parce que c'est, je le redis, Watchmen c'est vraiment une œuvre absolument incroyable, mais en la relisant pour préparer cette émission, je me suis demandé comment le public féminin pouvait recevoir cette bande dessinée en 2019. C'est pas forcément évident, parce que les deux personnages féminins principaux, donc Sally et Laurie Jupiter, qui sont les deux spectres soyeux... Mère et fille. Voilà, mère et fille... elles s'en prennent quand même un peu plein la tronche. Surtout Sally Jupiter qui a failli se faire violer par le comédien, justement. Donc c'est vrai que c'est une représentation. C'est à la fois intéressant d'avoir justement des super-héroïnes dans cette équipe, mais elles doivent se battre pour avoir leur place. Et elles sont constamment objectifiées, effectivement, par leur costume. C'est vraiment Sally Jupiter. Et même par leurs collègues. C'est ça, oui, c'est vraiment le symbole de la pin-up. D'ailleurs, le film de Snyder, hein, ce clin d'œil assez intéressant, où on voit justement le premier spectre soyeux. Sur la bombe d'Hiroshima, enfin sur le bombardier qui voilà, est... sur l'avion, comme c'était le coutume à l'époque. Donc, c'est deux personnages extrêmement intéressants. C'est vrai que Moore ne se penche pas forcément sur elle de la même manière qu'il se penche sur le Dr. Manhattan ou même Rorschach. Mais ça reste deux femmes extrêmement solides aussi, parce qu'elles doivent avoir le corps bien accroché pour vivre justement le monde dans lequel Moore les plonge. Mais de manière générale, Watchmen est une œuvre assez dure envers les femmes. Et justement, l'une des limites, à mon sens, de la bande dessinée, c'est de montrer certes des femmes qui s'en prennent plein la tronche, mais peut-être un peu trop. Et justement, c'est vrai que quand on est comme moi, qu'on découvre Watchmen à 16 ans, on se dit qu'on aimerait bien les voir un peu plus se battre au lieu de se faire battre. Mmh. Et c'est ça un peu qui rend mon appréciation de l'œuvre à la fois extrêmement admirative et qui en même temps pose quand même quelques questions aussi. Et Douglas Antonio, est-ce qu'Alan Moore, est-ce qu'on peut parler d'un petit peu de cet auteur singulier qui est Alan Moore? Là, on parlait de son rapport à l'écriture de personnages féminins. Or, beaucoup plus tard, il a écrit de formidables personnages féminins et toute l'intrigue était même basée sur eux. Je pense à Promethea, Lost Girls, etc. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de qui est Alan Moore? Alan Moore, c'est un auteur qui est anglais et c'est une distinction qui est quand même importante à faire vis-à-vis de sa carrière et même de sa vision un peu de la société et du monde, puisque il va toujours se positionner très souvent en fait en réaction avec une culture américaine qui est beaucoup plus libérale, mais dans le sens d'un capitalisme qui peut écraser, dans le sens d'un autoritarisme thatchérien contre lequel il va s'insurger dans les années 80 avec Watchmen, mais avec surtout V pour Vendetta. Et c'est quelqu'un à la personnalité qui est en fait très complexe, et c'est quelqu'un en fait qui pense le monde à l'échelle quasi métaphysique, quoi, qui a un rapport à de nombreux thèmes. On va parler de l'esprit humain, on va parler donc des psychotropes avec lui, vu que c'est quelqu'un qui a... Consommateur régulier. Et surtout très tôt, étant donné qu'il dit de l'acide au lycée. Quoi. Donc c'est, voilà, il faut prendre ça en compte avec lui. Mais il va aussi parler de sexualité de façon beaucoup plus libérée que ce qui est déjà le cas à cette époque-là. Il va parler d'imaginaire sexuel avec Lost Girls. Il va parler du temps, de la littérature. Bah justement, sur le temps, on parlait du Docteur Manhattan et Océane rappelait que le personnage a une vision simultanée du passé, du présent et du futur. C'est ça qui est intéressant avec ce personnage, c'est que ce personnage, il émerge à la confluence de plein de réflexions d'Alan Moore à cette époque-là. À la fois sur la BD en tant qu'art séquentiel, c'est-à-dire que la BD, qu'est-ce que c'est ? C'est une juxtaposition d'images qu'on peut lire traditionnellement et selon des codes définis de gauche à droite, de haut en bas, etc. Mais rien ne nous y force, et en fait, on peut tout à fait lire d'abord la première case, mais repasser à la fin, puis revenir. Et il y a avec Watchmen cette réflexion sur la possibilité que la BD nous offre de percevoir une histoire dans plusieurs chronologies différentes, dans plusieurs sens différents. Les cases vont se répondre. Il y a toute une histoire qui, dans Watchmen, tout un axe qui est symétrique. Donc on rentre dans la personnalité de Rorschach grâce à ça aussi. C'est un personnage qui entretient cette réflexion de Moore sur le temps et sur le fait que si on perçoit le temps de façon simultanée, alors oui, on peut être dans un détachement vis-à-vis de la vie comme le Docteur Manhattan, mais on peut aussi être dans une réflexion sur la société et qu'est-ce qu'on va pouvoir développer de plus, de mieux, qu'est-ce que le progrès. Et Alan Moore, dans ses derniers travaux, c'est vraiment cette réflexion-là qui va pousser, c'est de dire aux gens, Prométhée, c'est... La prochaine grande révélation du monde, ça va être plus d'empathie, ça va être se considérer les uns les autres comme les parties d'un grand tout et de pouvoir évoluer les uns avec les autres. Ça va être que des réflexions comme ça. Donc c'est un des grands penseurs pour moi de ce siècle, hein, même. Et à travers son art, il a prouvé que on pouvait encore penser les choses, même à travers un médium comme la BD qui était déconsidéré il y a 30 ans. Alors les œuvres d'Alan Moore ont souvent été adaptées, et bien figurez-vous que les adaptations de son propre travail, et bien Alan Moore, il les aime pas. D'un point de vue personnel et esthétique, mon objection principale à toutes les adaptations de mon œuvre, dont je n'ai vu aucune d'ailleurs en passant, je préfère critiquer les choses d'une position d'ignorance totale. Mais mon objection principale sur le plan esthétique, c'est que c'était des objets qui ont été créés totalement pour montrer ce que la BD était capable de faire et ce que d'autres médias étaient incapables de faire. Donc le fait que quelqu'un puisse réaliser un film à partir de ces objets, ce n'est pas vraiment possible parce que ça ne ferait pas passer quelque partie que ce soit du narratif original qui m'intéressait. C'est mon point de vue. C'est pourquoi je n'ai vu aucun film. On est en train de vivre un paradoxe énorme avec Alan Moore. C'est qu'on est réunis pour un blockbuster à l'occasion de la sortie prochaine de la nouvelle série Watchmen sur OCS et HBO aux États-Unis. Série qui est en fait un produit dérivé d'une œuvre qu'il n'a jamais voulu voir adaptée autrement qu'en bande dessinée, parce que pour lui, la bande dessinée est un art ultime qui se suffit à lui-même. Et donc, on est quand même face à un paradoxe, c'est-à-dire que même d'un point de vue commercial, Alan Moore ne touche rien, désormais rien, sur l'exploitation de Watchmen. Marc Duvaux. Oui. Et est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du rapport de le caractère iconoclaste d'Alan Moore par rapport à son œuvre? Alan Moore, c'est quelqu'un d'assez curieux, c'est-à-dire qu'il s'est toujours mis en opposition avec son éditeur. Hein. À chaque fois, il y a eu des problèmes parce qu'il voulait tous ses droits, il les a quasiment jamais eus. Enfin, il y a eu quelques procès où il les a eus quand même. Mais en particulier pour Watchmen, il a discuté avec DC des suites. Et il les a jamais réalisés parce que il trouvait que il aurait dû avoir tous les droits dessus, et donc retravailler avec DC sur le sujet, ça le gênait apparemment beaucoup. En même temps, il faut bien préciser que quand on travaille pour DC Comics comme quand on travaille pour Marvel, tous les personnages créés appartiennent à ces maisons d'édition et c'est assez rare que les auteurs aient eu un droit de regard sur l'exploitation de leur travail. Ça dépend. Il y a eu des contrats, justement, à peu près à partir de cette époque-là, où les auteurs avaient quand même les droits. Mais ça a été en général publié dans des séries qui étaient différentes de la mainline de DC ou de Marvel. Donc il y a eu des exceptions. Il y a eu aussi, mais ça va venir après, mais je pense que le phénomène Dark Knight et le phénomène Watchmen a largement engagé ça. Il y a eu Image et il y a eu les droits qui, là, sont la plupart du temps été donnés aux auteurs, aux dessinateurs, aux scénaristes, etc. Parce que je crois qu'il avait cessé de travailler avec Marvel après Captain Britain, oui. Où il avait travaillé avec un autre grand dessinateur anglais, Alan Davis, qui est un de mes dessinateurs préférés, donc voilà, je leur place une pour moi, ça me fait plaisir. Quand je réécoutais, je me disais, ah, c'est bien, elle a pensé à moi. Ah, bah, c'était moi qui avais présenté l'émission, c'est normal. Et aussi, donc, il a quitté Marvel. Ensuite, il s'est disputé avec DC Comics lié à l'exploitation commerciale et produits dérivés autour de Watchmen. Il est parti travailler chez Image qui permettait. Il s'est disputé. Et voilà, qui permettait. Parce que oui, l'image a été rachetée, Wildstorm notamment, une succursale d'image a été rachetée par DC Comics. Il s'est retrouvé de nouveau à devoir travailler pour la maison d'édition qu'il ne respectait pas. Mais même les films, il ne veut rien avoir à faire avec les films. Douglas. Oui. En fait, il y a aussi quelque chose qui est récurrent dans la carrière d'Alan Moore et qu'on peut voir comme une contradiction, qui est que Alan Moore, il est dans le rejet des adaptations, on l'a dit, mais même il est dans une forme de résistance à toute emprise extérieure sur l'œuvre d'un autre. Mais paradoxalement, quand il propose le projet Watchmen, c'est pour reprendre les persos de Charlton. C'est quand il va faire la Ligue des Gentlemen Extraordinaires plus tard, c'est purement un projet où lui, ben, va proposer sa vision de personnages qui sont déjà existants, même si évidemment c'est pour apporter une réflexion sur notre culture, sur la littérature et sur la vision globale un peu de nos imaginaires. Mais il y a ce paradoxe chez lui qui est de dire, moi, mes personnages, on n'y touche pas. Mais moi, je veux bien toucher les personnages des autres. Si je peux toucher les personnages des autres, de la même manière, il y avait ce qu'il a fait sur Swamp Thing, sur Miracle Man. Dès lors que la notion d'autorité, c'est-à-dire le sens de l'auteur, est donc soit mort, soit qu'il est pluriel et que donc, puisque plusieurs personnes se sont succédées sur Swamp Thing, moi, je vais proposer ma version définitive. Et il y a cette sorte d'affirmation de sa part que ce sera la version définitive. C'est un peu un paradoxe. Après, on peut entendre ce qu'il dit dans le sens où, évidemment, lui, ce qu'il propose, c'est une vision très radicale et très incarnée de sa personne à lui dans ses histoires. C'est sa réflexion, il s'en sert pas par hasard. C'est pas un simple travail de commande, c'est une véritable démarche d'artiste. Donc on peut entendre aussi qu'il soit résistant. Et pour en revenir à Watchmen, le comic book, c'est une œuvre où il y a une mise en abîme perpétuelle. C'est à la fois une bande dessinée, mais tout d'un coup, on va avoir des extraits de romans à l'intérieur même de la bande dessinée. À l'intérieur du comics, il y a un personnage qui lit un autre comics qui rend hommage aux comics d'horreur ici. Il y a dans les planches de Gibbons tellement de choses, tellement de petits détails qui amènent une autre réflexion. C'est vraiment le principe des poupées gigognes, et c'est peut-être aussi ça qui a rendu l'idée que Watchmen était inadaptable au cinéma, tellement il y a des niveaux de lecture et des formats de narration différents. Océane, Corentin, qu'en pensez-vous? Moi, je dirais effectivement que Moore a raison quand il dit que c'est une œuvre qui est faite pour de la BD. On n'a pas parlé forcément de la construction de Watchmen, mais c'est aussi quelque chose qui a démocratisé le fameux gaufrier à 9 cases, donc une planche sur laquelle vous avez 9 cases alignées tout à fait équitablement. Effectivement, tu parlais de la narration en miroir, en fait, qui imite le test de Rorschach avec une construction parallèle et symétrique. Et effectivement, la plupart du temps, Watchmen, tout comme toute l'œuvre de Moore, va en fait essayer d'innover sur les formats de bande dessinée. C'est aussi des cas avec, par exemple, Swamp Thing, où on avait des doubles pages, en fait, qui décrivaient des espèces de scènes de sexe tantrique et sous LSD, qui, proprement, sont inadaptables aussi, et qu'il y a tout un tas, en fait, d'œuvres de Moore qui sont inadaptables, à cause de ça. Maintenant, le fait est que ça a été adapté, ça a été bien adapté, moi, je trouve, personnellement. Donc, c'était pas inadaptable, c'est juste qu'à mon avis, Hollywood manquait d'idées, puisque les droits ont été vendus en 86, et on a mis quand même plus de 20 ans pour y arriver, et on a eu Terry Gilliam qui s'y essayait. En définitive, la version qui est arrivée au cinéma, c'est la version la plus fidèle possible, puisque c'est quasiment du case par case, c'est de l'imitation, en fait, en mouvement d'une bande dessinée. Mais on perd évidemment plein de subtilités, notamment, justement, tu parles de la bande dessinée qui est dans la bande dessinée. qui est quasiment implaçable, puisque c'est un hommage justement que Moore rend dans un monde de super-héros pour imaginer ce qu'auraient été les comics, puisque si les super-héros sont réels, que lisent les gens comme dans la fiction en fait. Et ça, par exemple, ça a été un petit peu retiré du film pour être après proposé dans une version beaucoup plus longue et qui pour moi apporte pas grand-chose par exemple. Écoutez, Rorschach et moi, on a eu des résultats contre les gangs en unissant nos efforts. Mais un groupe de cette taille a des allures d'opération publicitaire. Pas là pour me faire mousser. On peut faire tellement plus. Peut-être sauver ce monde. Avec le leader adapté. Ouais. Toi, par exemple, hein, Ozzy ? Bah ouais, t'es bien le mec le plus malin de la planète. Faut-il être un génie pour voir que le monde a des problèmes ? Non, mais sacrément con pour croire que des rigolos comme vous sont de taille à les résoudre. Les hommes ne font que s'entretuer depuis le commencement des temps. Aujourd'hui, on a enfin l'opportunité de finir le boulot. Attendez que les missiles dégringolent, on va tous redevenir poussière. Et alors là, notre Ozymandias sera le mec le plus malin du tas de cendres. C'était un extrait justement de l'adaptation de Watchmen par Zack Snyder. Donc parlons de ce film, film qui pour certains est devenu culte, pour d'autres c'est même le film le plus réussi de Zack Snyder. J'aimerais avoir un avis sur cette adaptation et sur la fidélité ou non, les éloignements. Qu'est-ce qu'il a réussi, qu'est-ce qu'il a eu choix à faire ? Océane. Alors, effectivement, visuellement, ça reste quand même du case par case. À ce niveau-là, ça marche. Le souci, c'est que Zack Snyder, c'est quand même un républicain qui soutient la NRA. Et Alan Moore, c'est un anarchiste végétarien anglais. Forcément, la collision entre les deux personnalités ne fonctionne pas. Et c'est vrai que le film Watchmen est un peu dépourvu de la sensibilité politique d'Alan Moore. Et c'est peut-être ça qui est le plus dommage, parce que pour le reste, pour un film d'une œuvre prétendument inadaptable, ça reste quand même extrêmement fidèle, surtout au niveau de la structure. Le casting est plutôt bon, hein, Billy Crudup, hein, Dr. Manhattan qu'on entendait avec cette voix monocorde, oui. Ça fonctionne extrêmement bien. Il y a quand même des grands moments dans le film, le moment de la séquence de Dr. Manhattan notamment, le segment l'horloger, c'est effectivement assez réussi. Après, c'est vrai que moi, c'est vraiment poétiquement que j'ai beaucoup de mal avec le film. Et j'ai ce regret immense de ne pas avoir vu le poulpe à la fin. Oui, voilà. Et puis il y a aussi une envie d'accrocher peut-être un petit peu trop forte à la narration de Rorschach et à ce qu'il représente. C'est-à-dire que le film est plus violent, j'ai eu le sentiment, que le comics. Oui. Il se complaît dans des combats qui sont très très stylisés, très bien faits, mais, et on va vers une iconisation même du corps masculin et féminin. Même dans une scène de sexe dans le vaisseau d'Hibou, là où on était vraiment sur quelque chose d'évoqué assez subtilement, on est dans quelque chose d'un peu plus bourrin chez Snyder quand même, Corentin. Oh, moi je dirais pas bourrin, mais c'est je sais que vous êtes un peu client. Oui, tout à fait. Effectivement, oui, mais de toute façon, quand on voit, bon, Zack Snyder, c'est un fan de comics, mais ce serait plus un fan de Frank Miller. Tout à l'heure, on a cité le nom de Frank Miller. Il faudrait quand même dire que dans les deux grands auteurs des comics de tous les temps, je pense en tout cas de l'époque post-Crisis, pour utiliser un terme vulgaire, il y a Frank Miller qui représente la droite et Alan Moore qui représente la gauche. D'un côté, l'un est plus écologiste, justement libertaire au sens noble, et l'autre est plus républicain, sécurité, violence, etc. Et Zack Snyder avait fait un film justement basé sur l'œuvre de Frank Miller justement qui s'appelait 300, et qui était un film très graphique, plein d'hommes aux beaux abdominaux en sueur, six-pack. Voilà, énormément de sang, énormément de sous-textes racistes. On peut lire comme ça, effectivement. Ah, oui, le Moyen-Orient, il n'y avait pas une nuance énorme sur la psychologie. Décadent, violent, envahisseur, etc. Et c'est vrai que, arrivé sur Watchmen, avec justement ces personnages qui sont aussi républicains, ou en tout cas extrémistes, comme le comédien, comme Rorschach, c'était aussi l'occasion pour lui de faire un petit peu un choix entre ses préférés. Et effectivement, on remarque que le hibou est beaucoup plus fin, qu'il est beaucoup moins ventripotent que dans la BD. Le spectre soyeux a un costume encore plus révélateur, si c'était possible. En latex. Voilà, en latex. On voit le fameux appendice du Dr Manhattan très régulièrement. Mais dans l'ensemble, c'est un film qui maximise, on va dire, la bande dessinée, qui fait déjà des choix esthétiques assez intéressants. Et quelque part, c'est aussi intéressant d'avoir un réalisateur qui a un style visuel très très affirmé, très prononcé. Pour une œuvre qui de toute façon a tellement réinventé de code, il y a eu un avant et un après Watchmen aussi au cinéma. Les filtres numériques, les fonds verts, le personnage du Dr Manhattan, ça a imposé aussi une esthétique qui a été suivie. Et quelque part, on a peut-être commencé à faire beaucoup de films sur fond vert adaptés de comics après ce moment-là, en fait. Et Marc Duvaux, vous, je sais que votre spécialité, votre domaine d'expertise, c'est la bande dessinée. Mais est-ce que vous avez un regard critique sur ces adaptations d'œuvres que vous connaissez par cœur? Disons que, bon, j'ai été voir Joker, j'ai beaucoup aimé. Bon. Mais Joker qui doit beaucoup à Alan Moore. Hein. Qui doit beaucoup, mais je dirais que la référence à Frank Miller est tout le temps présente, parce qu'on disait Frank Miller, Alan Moore. Bon, dans Batman Dark Knight, il y avait aussi cette intrusion d'écrans de télévision, de choses qui arrivaient. Bon, tout ça qui vient de Dos Passos avec USA, de Frank Brunner, de John Brunner avec tout ça Zanzibar, où on a des intermèdes très divers. Donc, c'est paru à 6 mois d'écart. Donc, je pense qu'ils ne sont pas copiés. Avec le temps de production, ils ne pouvaient pas avoir vu ce que faisait l'autre, mais c'était quelque chose qui était commun aux deux. Donc, et après, ce qui est assez étonnant, c'est que les deux ont été adaptés par Zack Snyder. Oui. Bon, qui avait 20 ans à cette époque quand il les a lus et qui a probablement été marqué par les deux. Il faut aussi préciser qu'Alan Moore a écrit une préface du Dark Knight Returns de Frank Miller pour la première édition en relié. Donc à l'époque, même si politiquement ils ont toujours été assez opposés, à l'époque ils étaient finalement assez proches et ils ont claqué la porte de DC Comics au même moment pour les mêmes raisons, les questions de droit et de partage des produits dérivés. Oui, et même en termes de style, si on repense à certains arcs scénaristiques de Frank Miller, notamment sur Daredevil, je pense que c'est un univers où Daredevil est déchu de son statut d'avocat, il devient sans abri, il est confronté à la violence de New York dans tout ce qu'elle a de plus primaire. Un univers qu'on pourrait même un petit peu retrouver dans le Joker actuellement sur les écrans de cinéma. Il y a une sorte de filiation entre le style d'Alan Moore tel qu'on le connaît dans Watchmen et le style de Frank Miller quand il travaille sur Born Again, cet arc scénaristique de Daredevil. Oui, je pense que c'est aussi ce qui séduit Zack Snyder dans les deux auteurs. Zack Snyder, c'est quelqu'un qu'on a souvent dit qui est rattaché à la génération MTV, qui est un peu un mot valise pour dire bon bah il a grandi à la fois entre les années 80, son imaginaire s'est développé aussi dans les années 90, et on lui prête une esthétique qu'on va appeler vulgairement très jeu vidéo, très clip. Normal, il a bossé dans le clip, c'est normal. Mais ce qu'on appelle, ce qu'on décrit comme ça, c'est aussi le point de croisement entre cette esthétique où on va proposer des métrages fonctionnels pour la pub, pour le clip par exemple, et il va y avoir aussi une influence du Japon et de la culture japonaise imprégné de la culture occidentale après leur ouverture, qui va se faire sur tous les niveaux de la pop culture. C'est un peu l'explosion de la pop culture au sens dans médiatique, quoi. C'est quelque chose qui a été porté par les sœurs Wachowski au cinéma. Voilà, exactement. Et Zack Snyder, lui, c'est une sorte d'héritier de tout ça, et il arrive avec son bagage d'adolescent, son rapport à ces deux auteurs dépolitisés, en fait, parce que c'est pas, quand on lit adolescent, on n'est pas forcément dans un éveil thématique, sociale, vis-à-vis de la lecture de tout ça. Et lui, ce qui l'intéresse, je pense pas me tromper, c'est de retourner à quelque chose de la sensation qu'il avait de le lire, de lire ces deux œuvres, mais pas forcément de leur en extraire l'essence. C'est pour ça que moi, je rejoins pas forcément Corentin sur le fait que c'est une bonne adaptation. Il y a quelque chose qui, voilà. Il y a des choses qui sont faites dans Watchmen, notamment au niveau de, c'est beaucoup plus pudique en termes de violence visuelle. Zack Snyder va nous faire des ralentis comme pour signifier les cases, alors que tout se joue entre les cases dans Watchmen. La violence graphique, la scène de viol par exemple, est beaucoup plus explicite dans le film. Là où au moins Moore a la décence. Ouais, la décence de ne pas montrer la tentative. Tout comme les scènes de bagarre qui sont beaucoup plus violentes et beaucoup plus explicites, avec des os brisés, des gerbes de sang, ou ne serait-ce que le fait que les gens soient vaporisés par le Dr Manhattan dans les comics de façon très nette. Il n'y a pas de diffusion de tripes, alors que dans le film il y a carrément des effusions, des gerbes de sang au plafond. Donc moi je pense que Zack Snyder, quand il prend cette œuvre et qu'il se dit je vais faire une adaptation, en fait il se dit je vais adapter ce que je ressens et pas forcément ce que j'intellectualise de l'œuvre. C'est là, pour moi, le point de différence. Alors, cette émission approche déjà de sa fin, ça passe vraiment très vite. OCS et HBO vont donc bientôt diffuser la série Watchmen. qui va avoir la lourde tâche de prolonger l'œuvre d'Alan Moore. Alors c'est des tentatives qui ont déjà été faites en comics, il y a même eu des préquels, notamment des mini-séries qui ont été injustement critiquées, parce que je trouve qu'elles sont quand même d'assez bonne qualité, qui s'appellent Before Watchmen. Il y a du bon. Il y a du bon. Et également une série qui s'appelle The Doomsday Clock. Il y a du moins bon. Il y a du moins bon, qui ne finira peut-être jamais, on ne sait pas. Mais est-ce que... Qu'attendre de cette série Watchmen sur OCS et sur HBO ? Alors, l'une des choses les plus importantes à savoir, c'est que c'est une série de Damon Lindelof, à qui on doit Lost, à qui on doit aussi The Leftovers. Mm-hmm. Et à la base, c'est un immense fan de l'œuvre d'Alan Moore. On lui avait déjà proposé de l'adapter à l'époque, il avait refusé. Donc finalement, cette fois, c'est la bonne. Donc il faut bien prendre en compte le fait que c'est une suite des comics et non du film de Zack Snyder. Oui. Extrêmement important parce d'ailleurs, que... j'ajouterais même qu'il faut à tout prix avoir lu le comic book avant de regarder la série, sans quoi vous allez être largué de bout en bout. Complètement. Donc la série se déroule de nos jours, donc 30 ans après les événements du poulpe dans New York. Du poulpe dans New York. Le poulpe dans New York. Les aventures du poulpe dans New York avec ses petites tentacules. Voilà. Corentin ? Bah oui, je suis tout à fait d'accord. Effectivement, il est très important, il est crucial d'avoir lu le comics. Le point de vue de la série, d'après les premières interviews de Lindelof, va être de s'éloigner, grosso modo. On n'est plus du tout à New York, on n'est plus du tout dans cette espèce de ronde des super-héros pour sauver le monde ou le détruire. On est dans une ville qui s'appelle Tulsa, donc qui est le chef-lieu de l'Oklahoma, un état du sud des États-Unis qui a vécu l'esclavage et la guerre de sécession. Et en fait, ça parle de ça. Ça parle de l'ère moderne, qui serait une sorte d'utopie de gauche qui aurait mal tourné. On va dire, c'est-à-dire que Robert Redford est devenu le président des États-Unis après Richard Nixon. Donc Redford, qui est un acteur, certes, comme Ronald Reagan quelque part, donc qui a une sorte de filiation, mais qui est un homme très engagé pour les causes écologiques, les causes LGBT, etc., et qui a imposé à aller aux États-Unis d'être plus ouvert qu'il n'était avant. Et on va du coup voir un monde où les Noirs ont enfin les mêmes droits que les Blancs, et ça énerve forcément des héritiers de Rorschach qui sont en gros le Ku Klux Klan mais moderne. Marc. Oui, moi je n'ai pas vu d'épisode de cette série, malheureusement. J'ai vu des bandes annonces et finalement les premières images, je me suis dit tiens, c'est V pour Vendetta, mais mais bon, y a de ça, il y a énormément. Y a de ça. Donc il y a des influences diverses et pas uniquement Watchmen, je pense. Bon, je regarderai la série évidemment, mais bon, c'est à voir. C'est à voir. Douglas, pareil que Marc, j'ai pas vu d'épisode encore, mais j'ai l'impression qu'il y a un déplacement assez intéressant que semble faire la série, en tout cas dans les images que j'en ai vues, qui est que on n'est plus effectivement, comme tu disais, dans un contexte urbain. Les super-héros sont complètement une émanation de l'urbanisme. Les super-héros volent entre les buildings. Il y a une suite directe de la sensation que les Américains avaient avec ces grandes villes où on est plus dans l'insécurité, on n'est plus du tout dans le rural, on n'est plus du tout dans la campagne. J'ai l'impression que la série retourne un peu au rural américain dans le sud, où il y a une sensation d'isolement. Peut-être que c'est l'Amérique des laissés pour compte. Moi, j'ai le sentiment que c'est ça. Après, peut-être que je me trompe. Je verrai, du coup. Bah, y a de ça. Ok. Océane Zerbini, Marc Duvaux, Corentin et Douglas Antonio, je vous remercie. Merci d'avoir évoqué Watchmen avec moi. Cette émission touche à sa fin. Comme toujours, si vous le désirez, vous pouvez nous laisser un message au 01 56 40 30 20 ou sur la page Facebook de l'émission. Il y a également Twitter avec le hashtag Blockbuster FI. Et vous pouvez désormais, quand ça fonctionne, nous suivre lors de l'enregistrement sur Twitch. Je vous dis à très très très très vite pour un tout nouveau Blockbuster. Et n'oubliez pas, lisez, regardez, jouez, mais attention, toujours sans la moindre modération. You seem to understand. I'm not locked in here with you. You're locked in here with me!